Ya'juj et Ma'juj. Leur origine. Avant de parler de leur apparition, je crois qu'il serait opportun de connaître leur origine et ce que signifient les termes Ya'juj et Ma'juj. Ce sont deux termes non arabes, d'autres disent qu'ils le sont. Ainsi, ils viendraient du terme Hajjij, désignant un feu lorsqu'il est attisé, ou Hujjaj, désignant une eau très salée, ou Hajj, désignant la rapidité de l'ennemi. Quant à Ma'juj, cela viendrait de Ma'ja, qui se trouble. Il en est ainsi si les deux noms sont arabes. S'ils sont étrangers, ils n'ont pas d'étymologie. Tout ce qui est cité par rapport à l'étymologie de leur nom convient à leur cas. Que l'origine dérive de Ma'ja dans le sens de se troubler est appuyé par ce verset. Nous les laisserons ce jour-là déferler comme les flots les uns sur les autres. وَتَرَكَنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ إِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ Surat al-Kahf, verset 99. Cela se produira lors de leur sortie du barrage. Ya'juj et Ma'juj sont des humains de la descente d'Adam, alayhi salam, et Ève. Paix et salut sur eux. Certains savants ont dit qu'ils étaient de la descendance d'Adam, mais pas d'Ève, car Adam, alayhi salam, aurait eu une éjaculation de sperme durant son sommeil qui se mêla à la terre, alors Allah créa de cela Ya'juj et Ma'juj. Mais ceci ne repose sur aucun argument et n'est rapporté par personne de qui l'on doive accepter la parole. Ibn Hajar rahimahullah dit « Nous n'avons trouvé cela chez personne parmi les anciens, si ce n'est d'après Ka'b al-Ahbar, mais cela est rejeté par un hadith attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam, soulignant qu'ils sont de la descendance de Nuh, qui est de la descendance d'Ève, sans discussion. » Ya'juj et Ma'juj sont de la descendance de Yafith, le père des Turcs, qui est de la descendance de Nuh, alayhi salam. Parmi les preuves qu'ils sont de la descendance d'Adam, alayhi salam, il y a ce que rapporte Al-Bukhari, d'après Abu Sa'id Al-Khudri, radiyallahu an, d'après le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Allah, pureté à lui, dira « Oh Adam !» et lui de répondre « Me voici et heureux de te servir, le bien est entre tes mains. » Il dira « Sors le convoi de l'enfer. » Il demandera « Et qu'est-ce que le convoi de l'enfer ?» Il répondra « De chaque millier 999. » C'est à ce moment que les enfants deviendront comme des vieillards aux cheveux blancs. Toute femme enceinte avortera de ce qu'elle portait. Et tu verras les gens ivres alors qu'ils ne sont pas ivres, mais le châtiment d'Allah est terrible. On demanda, « Et qui d'entre nous sera cette personne ?» Il répondit, « Réjouissez-vous, car il y aura de vous un homme contre mille parmi Ya'juj et Ma'juj. » Abdullah ibn Amr, radiyallahu an, rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ya'juj et Ma'juj sont de la descendance d'Adam, et lorsqu'ils seront envoyés aux gens, ils saccageront leur vie. Personne d'entre eux ne mourra sans avoir laissé une descendance de 1000 hommes et plus. » Leur description. Quant à leur description faite dans les hadiths, ils ressemblent aux gens de leur catégorie parmi les Turcs mongols. Petits yeux, nez petit et fin, cheveux roux, visage large tel un bouclier martelé, ressemblant aux Turcs et leurs semblables. Ibn Harmala rapporte d'après sa tante maternelle qu'elle a dit « Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fit un sermon où il avait le doigt bandé à cause d'une piqûre de scorpion. Il dit « Vous dites qu'il n'y a plus d'ennemis, mais vous ne cesserez de combattre un ennemi jusqu'à ce que vienne Ya'juj et Ma'juj, au visage large, petits yeux, cheveux grisonnants. Ils se précipiteront de chaque hauteur, leurs visages seront semblables à des boucliers martelés. » Rapporté par Ahmed. Ibn Hajar, rahimahullah, cite à quelques textes mentionnant leur description. Mais il s'agit de versions faibles. Il est rapporté dans ces textes qu'ils sont de trois catégories. Un groupe dont le corps est aussi grand que le cèdre, un arbre géant. Un groupe mesurant 4 coudées de hauteur et 4 coudées de largeur. Un groupe utilisant une oreille comme lit et l'autre comme couverture. Il est aussi rapporté que leur taille est d'un empan ou deux et que le plus grand en mesure 3. Les versions authentiques montrent plutôt qu'il s'agit d'hommes très forts que personne ne peut combattre. Il est donc peu probable que leur taille soit d'un empan ou deux. Dans le hadith d'An-Nawas ibn Sam'an, il est cité qu'Allah Azawajal révélera à Isa alayhi salam l'apparition de Ya'juj et Ma'juj, qu'il n'est donné à personne de les combattre. Alors il lui ordonnera d'éloigner les croyants de leur chemin et dira « Abrite mes adorateurs sur le mont Tour. » Nous reparlerons de cela dans le point consacré à leur apparition, Inch'Allah. Les preuves de l'apparition de Ya'juj et Ma'juj. Leur apparition à la fin des temps est l'un des signes majeurs de la venue de l'heure, cela est prouvé par le Coran et la Sunna. Parmi les preuves du Saint-Coran, Allah Azawajal dit « Jusqu'à ce que soient relâchés Ya'juj et Ma'juj et qu'ils se précipiteront de chaque hauteur, c'est alors que la vraie promesse s'approchera, tandis que les regards de ceux qui ont mécru se figent. Malheur à nous, nous y avons été inattentifs, bien plus, nous étions des injustes. » Surat al-Anbiya, versets 96 et 97. Allah Azawajal dit en parlant de l'histoire de Dhul-Qarnayn, « Puis il suivit une autre voie, et quand il eut atteint un endroit situé entre les deux barrières, il trouva derrière elle une peuplade qui ne comprenait presque aucun langage. Ils dirent « Ô Dhul-Qarnayn, Ya'juj et Ma'juj commettent du désordre sur terre. Est-ce que nous pourrons t'accorder un tribut pour construire une barrière entre eux et nous ?» Il dit « Ce que mon Seigneur m'a conféré vaut mieux que vos dons. Aidez-moi donc avec force, et je construirai un remblai entre vous et eux. » « Apportez-moi des blocs de fer. » Puis, lorsqu'il eut comblé l'espace entre les deux montagnes, il dit « Soufflez !» Puis, lorsqu'il eut rendu une fournaise, il dit « Apportez-moi du cuivre fondu, que je le déverse dessus. » Ainsi, ils ne purent guère l'escalader ni les brécher non plus. Il dit « C'est une miséricorde de la part de mon Seigneur, mais lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, il le nivellera, et la promesse de mon Seigneur est vérité. » Nous les laisserons ce jour-là déferler comme les flots les uns sur les autres, et on soufflera dans la trompe, et nous les rassemblerons tous. Surat al-Kahf, versets 92 à 99. Ces versets indiquent qu'Allah envoya Dhul-Qarnayn, le roi pieux, afin de construire l'immense remblai empêchant Ya'juj et Ma'juj, le peuple causant le désordre sur terre, de faire du tort aux gens. Mais, quand viendra le terme fixé, et que l'heure approchera, cette barrière se brisera. Ya'juj et Ma'juj sortiront à grande vitesse et à grand nombre, aucun humain ne pouvant se dresser face à eux. Ils déferleront comme des flots sur les gens et répandront le chaos sur la terre. C'est un signe annonciateur de la proximité du soufflement dans la trompe, de la destruction du monde et de la venue de l'heure, comme le montrent les hadiths authentiques. Les preuves de la sunna. Les hadiths prouvant l'apparition de Ya'juj et Ma'juj sont nombreux et atteignent le degré de notoriété de sens. Nous en avons déjà cité quelques-uns, en voici d'autres. Zaynab bint Jahsh, radiyallahu anha, rapporte que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, entra un jour auprès d'elle, terrifié en disant « La ilaha illallah, malheur aux Arabes à cause d'un mal qui se rapproche, en ce jour vient d'être ouverte une brèche dans le remblai de Ya'juj et Ma'juj comme ceci. » Et il fit un cercle de ses deux doigts, le pouce et l'index. Zaynab demanda « Ô messager d'Allah, périrons-nous alors que seront parmi nous les gens pieux ?» Il répondit « Oui, si le mal se répand. » Rapporté par Al-Bukhari. Dans le hadith d'Anawas ibn Sam'an, radiyallahu an, on trouve « C'est alors qu'Allah révélera à Isa, « J'ai fait sortir des adorateurs à moi qu'il n'est donné à personne de combattre. Abrite donc mes serviteurs sur le mont Tour. » Et Allah d'envoyer Ya'juj et Ma'juj qui se précipiteront de chaque hauteur. Les premiers d'entre eux passeront par le lac de Tibériade et le boiront, et les derniers à passer diront « Il y avait certes de l'eau ici autrefois. » Le prophète d'Allah, Isa alayhi salam, et ses compagnons seront assiégés au point que la tête d'un taureau sera meilleure pour l'un d'eux que 100 dinars pour l'un de vous aujourd'hui. Isa invoquera alors Allah Azawajel ainsi que ses compagnons, et Allah Azawajel enverra contre eux des parasites à leur cou. Ils mourront tels une seule personne. Ensuite, le prophète d'Allah, Isa, et ses compagnons redescendront sur terre, ils ne trouveront pas un empan de terre qui ne soit couvert par leur charogne et infesté de leur odeur. Le prophète d'Allah, Isa, et ses compagnons invoqueront Allah, et Allah enverra les oiseaux dont le cou est semblable à celui des chameaux qui les emporteront et les déposeront où il plaira à Allah. Rapporté par Muslim. Dans une autre version, il rajouta après avoir dit « Il y avait certes de l'eau ici autrefois. » Puis, ils partiront jusqu'à arriver à la montagne Al-Khamar, la montagne du temple de Jérusalem. Ils diront « Nous avons tué ceux qui se trouvent sur terre, tuons à présent ceux dans le ciel. » Alors ils lanceront leurs flèches en direction du ciel et Allah leur rendra leurs flèches maculées de sang. Dans le hadith de Hudayfa ibn Asid concernant les signes de la fin des temps, il est mentionné Ya'juj et Ma'juj. Abdallah ibn Mas'ud, radiyallahu an, rapporte « La nuit du voyage nocturne du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il rencontra Ibrahim, Moussa et Isa. Ils évoquèrent alors la venue de l'heure. Isa tint ses propos. Ensuite, les gens retourneront dans leur contrée, mais Ya'juj et Ma'juj les accueilleront tandis qu'ils se précipiteront de chaque hauteur. Ils ne passeront par de l'eau sans la boire ou par quoi que ce soit sans le détruire. Alors, Ils me demanderont secours et j'invoquerai Allah qui leur donnera la mort, après quoi la terre sera infectée de leur odeur. Puis, ils me demanderont secours et j'invoquerai Allah Azawajel qui enverra l'eau du ciel, les transportera et jettera leurs corps dans la mer. Abu Huraira radiallahu an rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ainsi, ils se manifesteront aux gens, ils assécheront les points d'eau, les gens les fuiront, ils lanceront leurs flèches en direction du ciel qui leur reviendront maculés de sang. Ils s'écrieront « Nous avons dominé les habitants de la terre et nous avons vaincu ceux qui se trouvent au ciel avec force et grandeur. » Il poursuit « Alors qu'Allah Azawajel enverra contre eux des parasites à leur nuque qui les anéantiront. » Par celui qui détient l'âme de Muhammad dans sa main, les animaux terrestres deviendront gras et seront heureux. Ils seront gras et pleins tant ils mangeront de leur chair. Apporté par At-Tirmidhi. Le remblai de Ya'juj et Ma'juj. C'est Dhul-Qarnayn qui a construit le remblai de Ya'juj et Ma'juj afin de les contenir et d'épargner leurs voisins qui lui ont demandé secours. Allah Azawajel cite cela dans le Saint-Coran. Ils dirent « Ô Dhul-Qarnayn, Ya'juj et Ma'juj commettent du désordre sur terre. Est-ce que nous pourrons t'accorder un tribut pour construire une barrière entre eux et nous ?» Il dit « Ce que mon Seigneur m'a conféré vaut mieux que vos dons. Aidez-moi donc avec force et je construirai un remblai entre vous et eux. » Sourate Al-Kahf, versets 94 à 95. C'est ce qui est dit concernant la construction du remblai. Quant à son emplacement, il se trouve du côté de l'Orient, comme dit dans ce verset, et quand il eut atteint le levant. Sourate Al-Kahf, verset 90. On ne connaît pas l'emplacement exact de ce remblai. Certains rois et chroniqueurs tentèrent de trouver son emplacement. Ainsi, le calife Al-Wathiq dépêcha une expédition militaire avec quelques émirs afin de chercher le remblai, l'observer et lui indiquer son emplacement quand ils reviendront. Ils parcoururent pays après pays et royaume après royaume jusqu'à le trouver. Ils virent sa structure faite de fer et de cuivre et dirent avoir trouvé une porte gigantesque sur laquelle il y avait d'immenses verrous. Ils trouvèrent des restes de lait et de miel dans une tour. Il y avait des gardes des royaumes frontaliers. Il était si haut que rien autour ni aucune montagne ne rivalisait. Ils retournèrent par la suite chez eux. Leur absence avait duré plus de 2 ans et ils avaient assisté à diverses choses effrayantes et incroyables. Cette histoire fut citée par Ibn Kathir rahimahullah dans son exégèse sans mentionner la moindre chaîne de transmission. Allah sait donc mieux son authenticité. Les versets précédents indiquent que ce remblai fut construit entre 2 montagnes, car Allah Azawajel dit « Et quand il eut atteint un endroit situé entre les 2 barrières », cela désigne 2 montagnes qui se font face. Il dit ensuite « Puis, lorsqu'il eut comblé l'espace entre les 2 montagnes, c'est-à-dire qu'il combla l'espace jusqu'à hauteur du sommet des 2 montagnes, en utilisant des blocs de fer, il versa ensuite du cuivre fondu et cela devint une barrière solide. » L'imam al-Bukhari, rahimahullah, rapporte qu'un homme dit au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, « J'ai vu le remblai semblable à un vêtement orné de coton. » Il répliqua « Tu l'as certes vu. » Sayyid Qutb dit « Un remblai fut découvert à proximité de la ville de Tirmidh, connue sous le nom de Porte de Fer. Le savant allemand Sild Barja passa par là au début du XVe siècle et le nota dans son journal. De même, le chroniqueur espagnol Claviglio le cita dans son voyage en l'an 1403 et dit « Le remblai de la ville de la Porte de Fer se trouve sur le chemin de Samarkand et l'Inde. Il se peut donc qu'il s'agisse du remblai qu'a construit Dhul-Qarnayn. Il se peut que ce remblai soit la muraille qui entoure la ville de Tirmidh et qu'a cité Yaqut al-Hamawi dans Mu'jam al-Buldan. Mais ce n'est pas le remblai de Dhul-Qarnayn. En outre, il ne nous intéresse guère dans cette recherche de délimiter l'emplacement du remblai. Nous nous contentons de ce dont Allah Azawajal nous a informé et de ce qui est rapporté dans les hadiths authentiques, à savoir que le remblai de Ya'juj et Ma'juj existera jusqu'au terme fixé pour sa destruction et la sortie de Ya'juj et Ma'juj quand l'heure approchera, comme dit Allah Azawajal. Il dit « C'est une miséricorde de la part de mon Seigneur, mais lorsque la promesse de mon Seigneur viendra, il le nivellera, et la promesse de mon Seigneur est vérité. Nous les laisserons ce jour-là déferler comme les flots les uns sur les autres, et on soufflera dans la trompe, puis nous les rassemblerons tous. » Sourate Al-Kahf, versets 98-99. Ce qui prouve que ce remblai existe et n'a pas été détruit, c'est ce que rapporte Abu Huraira radiallahu an, d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au sujet du remblai. Ils le creusent chaque jour et quand ils sont sur le point de le percer, leur chef leur dit « Revenez, vous le percerez demain. » Mais Allah Azawajal le restaure aussi dur qu'il était. Il en sera ainsi jusqu'à atteindre leur terme, et quand Allah désirera les envoyer aux gens, leur chef dira « Revenez, vous le percerez demain si Allah le veut », émettant une réserve. Ainsi, ils reviendront et le trouveront dans l'état qu'ils l'avaient laissé, ils le perceront donc et se manifesteront aux gens, ils assécheront les points d'eau et les gens les fuiront. Nous avons aussi vu qu'une petite partie fut ouverte, ce qui effraya le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Saïd Qutb pense, par effort de déduction et non selon une certitude, que la promesse d'Allah de détruire le remblai se serait produite, que Ya'juj et Ma'juj sont sortis et qu'il s'agit des Tatars qui sont apparus au 7e siècle. Ils détruisirent les royaumes islamiques et causèrent sur terre un grand désordre. Al-Qurtubi rahimahullah dit au sujet de ces Tatars, « Il est apparu d'eux, c'est-à-dire des Turcs, en cette époque, des peuples que seul Allah Azawajel peut dénombrer et dont seul Allah Azawajel peut épargner les musulmans, de telle sorte qu'il semble s'agir de Ya'juj et Ma'juj ou leur début. » Les Tatars firent leur apparition à l'époque d'Al-Qurtubi. Il entendit à leur sujet ce qu'il entendit comme dégâts et meurtres. Il pensa alors, à tort de même que Sayyid Qutb, qu'il s'agissait de Ya'juj et Ma'juj ou leur début. Toutefois, ce qui fait partie des signes majeurs de l'heure, l'apparition de Ya'juj et Ma'juj à la fin des temps, ne s'est pas encore produit car les hadiths authentiques indiquent que leur apparition aura lieu après la descente de Isa alayhi salam, que c'est lui qui invoquera contre eux et qu'Allah les anéantira puis les jettera en mer, soulageant ainsi les terres et les serviteurs de leurs méfaits.